dans ce bal me trouble et me déroute. Oh, qu'il est loin mon pays. Oh, qu'il est loin mon pays de clarté, de soleil. Chantant plus fort durant les cours hivers.